De Georges Courteline, tiré du recueil Les femmes d'amis. Une bonne fortune. 1888. Ma foi, fit Christian Lestenay, puisqu'on parle femme et amis, je demanderai la permission de m'emparer du crachoir pour une petite histoire assez originale et où j'ai eu l'honneur de jouer le premier rôle. Honneur assez maigre au surplus et dont, quand vous l'allez voir, j'ai de fortes raisons de ne point vanté. Nous sommes entre hommes, nous n'y mettons pas de prétention, et dans ces conditions, je m'en fiche. Mais il est bien entendu, et c'est là une condition sine qua non, que cet aveu ne passera pas les portes de cette brasserie. Ah non, vous savez, pas de blague. Je serais frais, moi, auprès des femmes, si ça venait à se répandre. Le peintre Fabrice prit la parole, et avec un petit sourire. Il y a gros à parier, fit-il, que notre ami, selon sa louable habitude, va nous conter quelques monstrueuses saletés. Plût à Dieu, répliqua tranquillement l'Estonné, qui ne manquait pas d'un certain cynisme. Malheureusement, c'est tout le contraire. Ma histoire est d'une chasteté désespérante, tellement désespérante même que j'ai quitté depuis longtemps toute espérance de m'en consoler jamais. Du reste, vous allez en juger. Un soir de l'automne dernier, que j'étais allé au Vaudeville, je sortis pendant un entr'acte pour fumer une cigarette et me refaire un peu l'haleine à l'air déjà vif de la nuit. J'étais là depuis 5 minutes environ, les semelles au bord du trottoir, suivant de l'œil la pourchasse sans fin des fiacres et des omnibus, et aspirant de toute mon âme cet adorable Paris de 10 heures dont le spectacle, avec celui de la mer, est le seul qui ne m'ait jamais lassé. Quand je sentis une main qui me touchait l'épaule, je me retournai et je me trouvai en présence d'un garçon très grand et très blond qui me demanda, sur le ton de la plus extrême politesse, si je ne m'appelais pas Lestenay. Je dis « Oui, monsieur, pourquoi ?»« Parce que dans ce cas, fit-il, nous sommes d'anciennes connaissances. » Mais comme je demeurais muet, cherchant vainement à mettre un nom sur cette figure, « Voyons, reprit-il, 1873, Verdun, 12e dragon, vous ne vous rappelez pas ?»« Eh, Daudierne, voyons donc, Lucien Daudierne, nous avons fait notre volontariat ensemble. » Je m'exclamai, « Ah, sacristi, je vous demande pardon, Daudierne. Comment donc, parbleu, je crois bien que je me rappelle. Seulement, je vous dirais que je suis un peu myope, et puis, naturellement, quand on ne s'attend pas, « je vous remets très bien à présent. Ça me fait plaisir de vous revoir. Comment vous portez-vous, mon cher ?» Il riait, nous nous serrâmes la main avec une grande cordialité. Il m'expliqua qu'il était attablé à la porte de l'Américain quand il avait cru me reconnaître au traversé du trottoir. « Diable, m'écriai-je, mes compliments. Vous avez la mémoire des têtes. » Il dit « compliments pour vous-même. Vous n'avez pas vieilli d'une heure. En 13 ans, c'est assez joli. » « Qu'est-ce que vous faites ce soir ?» Je répondis que je ne faisais pas grand-chose, que j'avais une place au vaudeville, mais que, m'y ennuyant furieusement, je me faisais volontiers son homme. Ça lui suffit. Familièrement, il passa son bras sous le mien. « Eh oui, parbleu, lâchez donc votre comédie. Nous passerons la soirée ensemble. » Et tout doucement, il m'entraîna vers le café où, dans un des enfoncements de la terrasse, une petite femme, assise toute seule, gardait 2 bocs à demi vides. « Ma petite Madeleine, fit Daudierne, je te présente mon ami Lestenay, un ancien compagnon de chaîne du régiment, que je recommande à toute ta bienveillance et à toute ton amitié. » La petite femme me tendit la main et me dit avec un sourire, « Monsieur, je vous souhaite le bonsoir. » J'étais d'autant plus excusable de n'avoir pas reconnu Daudierne que nous n'avions eu au 12e que des relations par à peu près. Sorti du bonjour et de « ça va bien », nous n'avions pas, en toute notre année de service, échangé 10 paroles et 10 poignées de main. Mais je vis tout de suite à qui j'avais affaire. C'était là, il n'y avait pas à s'y méprendre, l'un des garçons les plus charmants, les plus doux et les mieux élevés qu'il fût possible de voir. Et je me pris à l'aimer follement dans le temps qu'il faut pour boire un boc. Il y a des gens qui font jaillir la sympathie comme une étincelle d'un caillou. Puis, ça ne m'arrive pas tous les jours, mais, règle générale, lorsque je me lis, c'est séance tenante, et une fois pour toutes. J'ai toujours pensé en effet que nous n'étions pas pour des prunes le pays du lieu commun, de la routine et de la sagesse toute faite. Et c'est pourquoi je ne me fais nullement scrupule de marcher contre toutes les règles du bon sens, en accordant aux simples apparences infiniment plus de confiance qu'il est d'usage. Pour moi, c'est simple comme bonjour. Dans les proportions de 9 sur 10, les gens qui ont l'air bons sont bons. Les gens qui ont l'air francs sont francs. Les gens qui ont l'air bêtes sont bêtes. Et les gens qui ont l'air rosses sont rosses. Théorie que je prétends n'imposer à personne, mais dont, en ce qui me concerne, je me suis toujours bien trouvé. À cause de quoi, je continuerai à m'y tenir jusqu'à information plus ample. Chacun prend sa philosophie où il la trouve. Donc, Daudière ne plut beaucoup, et comme, selon toutes apparences, j'eus moi aussi l'honneur de ne pas lui déplaire, il ne me lâcha pas que je n'eusse accepté à déjeuner pour le lendemain. Naturellement, un déjeuner en vaut un autre, lequel en appelle un troisième, si bien que de déjeuner en déjeuner, et de bon procédé en bon procédé, nous finîmes, Daudière et moi, par devenir inséparables, et ne plus faire un pas l'un sans l'autre. Cette amitié durait depuis près de 6 mois, sans que rien n'en fût venu altérer l'enthousiasme, quand voilà un matin, Daudière qui tombe chez moi, avec une figure rayonnante, m'explique qu'un sien oncle vient de mourir en l'instituant son légataire universel, et que, forcé d'aller à Lyon pour la levée des scellés, il me confie la jeune Madeleine, à charge pour moi, de la promener, de la conduire au restaurant, au café ou au théâtre, durant ces quelques jours d'absence. Or, j'ai la prétention, que je crois justifiée, d'être aussi honnête, aussi probe et aussi loyal que n'importe qui. Tâche que l'aimable décomposition de ce siècle me facilite singulièrement d'ailleurs. Mais la théorie des femmes d'amis, autrement dit femmes sacrées, ne m'a jamais paru bien sérieuse. Et, exception faite des femmes de 50 ans, je ne vois guère, pour m'être sacré, que celles qui en ont 70. Non, vrai, vous savez, ça m'échappe. Je ne saisis pas bien cet animal étrange et de sexe indéterminé, venu au monde avec cette pancarte dans le dos, on est prié de ne pas toucher. J'ajoute que le chiffre respectable des queues qui m'ont été faites avec l'aide et le concours de meilleurs camarades m'a édifié depuis longtemps sur la valeur de l'argumentation. Je ne me fus donc pas gêné pour dire très nettement à Daudière « Mon cher Daudière, je vous remercie mille fois de la confiance que vous voulez bien me témoigner, mais j'ignore absolument jusqu'à quel point j'en suis digne. Je suis monstrueusement vicieux, pour ne pas me servir d'un mot plus énergique. Et ma foi, quand l'envie d'une femme me vient, il n'est pas d'amitié au monde qui m'empêcherait de mettre tout en œuvre pour arriver à mes fins. Comme je vous aime de tout mon cœur, et que vous êtes le dernier auquel je voudrais jouer un tour, il est probable que j'aurai assez d'empire sur moi-même pour dominer, le cas échéant, toute tentation mauvaise et pour vous rendre votre maîtresse telle que vous l'auriez laissée. Mais j'estime qu'on ne saurait être trop prudent et que s'il est un vrai moyen de ne pas se brûler les doigts, c'est de ne pas s'approcher du feu. Les hommes sont toujours les hommes et les femmes sont toujours les femmes. Confiez donc Madeleine à un autre. J'aime autant ça. Voilà ce que je lui eusse dit. Il eût compris. Nous nous serions serré la main et tout était fini par là. Mais je connaissais le sujet et j'étais parfaitement tranquille. Gentil, parbleu, oh, très gentil. Mais enfin, moins qu'une gamine. Une espèce de petite réduction en biscuit, paraissant 15 ans comme un liard. Blonde jusqu'à l'invraisemblable, et aussi parfaitement capable de se faire des pantalons avec ses bas que des bas avec ses mitaines. Pour quelqu'un qui n'admet que les brunes, ne s'intéresse qu'au rôle marqué, et aime bien trouver dans une femme autre chose qu'une bouche et des cheveux, vous comprenez, n'est-ce pas, comme ça tombait bien. Au surplus, n'en étais-je pas la première expérience. 36 fois le matin, de bonne heure, ayant grimpé sans le trouver, les 4 étages d'Audierne, j'étais resté à blaguer avec elle et à fumer des cigarettes, assis sur le pied du lit, tandis qu'elle s'habillait devant moi, avec la confiante impudeur des camaraderies, sans arrière-pensée. 36 fois, je l'avais tenu ainsi, à deux pas de mes yeux et de mes doigts, les bras nus et presque les seins, sans que j'aie jamais senti s'abattre sur mes reins le subit coup de fouet du désir, et que l'idée me soit seulement venue d'étendre le bras. C'est donc avec la plus ancienne tranquillité d'esprit que je répondis à Taudierne. Eh bien, mon cher, c'est entendu. Vous pouvez compter sur moi. Je serai chez vous à midi. Et en effet, comme midi sonnait, je sonnai moi-même à sa porte. Madeleine, qui l'avait averti, m'attendait en mettant ses gants. Elle prit mon bras et nous partîmes. Une heure plus tard, bras dessus, bras dessous, comme dans la chanson de Judic, nous trottions par les petites rues de Saint-Germain, pleines de chasseurs en dolman bleu. Je l'emmenai au pavillon Henri IV, où nous déjeunâmes en garçons, dans une petite salle du premier, gaie et claire, et dont les fenêtres à demi ouvertes nous apportaient, par moments, de lointaines sonneries de cavalerie. Le café nous retint à table jusqu'à la brune, puis nous revînmes à Paris, où nous dînâmes d'un bouillon et d'une pêche, après quoi nous allâmes entendre la Dame Blanche. J'avais vu venir sans trop d'empressement la fin de cette première journée, comme j'avais, sans trop d'ennui, supporté la société de ce bébé, en somme gentil et gracieux, et que la première bêtise venue suffisait à intéresser ou à faire rire. Pourtant, ce ne fut pas sans un certain plaisir que je m'engouffrais à sa suite dans l'ombre compacte du fiacre qui nous ramenait chacun chez nous, car j'étais en ce temps avec une fille des bouffes dont la plantureuse beauté ne contribuait pas pour une faible part au gros succès de la mascotte, et le hasard nous ayant, depuis quelques jours, tenus éloignés l'un de l'autre, je n'étais naturellement pas fâché de renouer un peu connaissance. 10 minutes plus tard, le fiacre s'arrêtait, je dis à Madeleine « Vous voici chez vous !» et je rangeai mes genoux pour la laisser passer. Elle répondit « Non, descendez, payez et renvoyez le cocher. » J'objectai « Mais je garde la voiture !» Elle reprit avec une légère impatience dans la voix « Je vous prie de renvoyer le cocher. Faites donc ce que l'on vous dit. » J'obéis sans comprendre, croyant à une lubie d'enfant habituée à commander. Je payai l'homme, je vins rejoindre la petite qui m'attendait devant la porte déjà ouverte, et je lui tendais la main pour lui souhaiter le bonsoir, quand elle me dit à demi-voix « Entrez !» en me poussant doucement devant elle. Ma stupéfaction fut telle que, pendant l'instant qui suivit, j'ignore complètement ce qui se passa. J'entendis, comme dans un rêve, la porte retomber derrière nous. Madeleine criait « Taudierne !» puis me soufflait tout bas à l'oreille « Ne faites pas de bruit, montez sur la pointe du pied à cause des concierges. » Elle m'avait pris la main dans l'ombre et elle m'entraînait après elle, vers l'escalier. Je me laissais faire, abasourdi, incapable d'une réflexion, ne voyant que cette bonne fortune qui m'arrivait avec la brutalité imprévue d'un coup de bâton et dont la vision ne grisait comme la vapeur d'un alcool puissant. Oui, me grisait. Me rendait fou, me faisait halter de tentation pour cette gamine dont, tant de fois, j'avais frôlé indifféremment la chair nue et vu les formes transparaître à travers la batiste de la chemise. C'est-à-dire rien comprendre, mais enfin, le fait est là. Le fait était là, et de l'instant où, sans crier gare, elle s'était venue placer d'elle-même dans ma main, je m'étais mis à la désirer, follement, éperdument, comme si l'envie de son baiser m'eût hanté et martyrisé depuis des années. Ah, je me moquais bien de Taudierne en ce moment. Qu'est-ce que ça me faisait, Taudierne, et tout ce que ma conduite avait à son égard de vil, d'abject et de révoltant, qu'est-ce que ça me faisait aussi? Il n'y avait plus au monde qu'une chose pour moi. Une femme nouvelle à obtenir, fade, blonde, maigre, tout ce que vous voudrez, mais n'emportant pas moins en elle l'immense attrait d'une sensation inéprouvée, d'une possession inconnue. Je n'avais plus qu'un horizon, ce jupon qui montait devant moi, dont j'entendais le froufrou dans la nuit, contre les barreaux de la lampe, et d'où arriver jusqu'à moi, des bouffées de dessous parfumées. L'ascension enfin s'acheva, nous entrâmes silencieusement, et Madeleine, ayant allumé une bougie, passa dans sa chambre à coucher. Moi, je restais seul dans le salon, allant et venant de la porte à la fenêtre, et me demandant, non sans quelque perplexité, comment diable j'allais entamer l'entretien. Généralement, en pareille matière, ce n'est pas par l'embarras que je pêche, mais vous conviendrez que cette fois, j'avais le droit de me trouver dérouté quelque peu, et d'avoir un certain désordre dans les idées. J'allais donc, le front bas, les mains derrière le dos, songeant à la situation et réfléchissant qu'aussi bien, quel que dût être le début, le dénouement serait toujours le même. Quand tout à coup, de la pièce voisine, j'entendis Madeleine m'appeler. Christian, voulez-vous venir un instant, s'il vous plaît? J'accourus, je la trouvai, son chapeau encore sur la tête, se donnant un mal du diable pour amener à elle un des matelas de son lit. Tenez, dit-elle, donnez-moi donc un coup de main, vous serez bien gentil. Je demandai, qu'est-ce que vous faites donc là? Eh bien, elle répondit, c'est pour votre lit. Pour mon lit. Je n'y étais plus du tout. Je la regardai, très étonnée. Elle sourit, dit tranquillement, naturellement pour votre lit. Est-ce que vous aviez pensé que je vous ferais coucher sur le parquet? Je la regardai dans les yeux et répondis très nettement, non. Et puis comme ce nom, très significatif selon moi, me faisait l'effet de passer totalement inaperçu, mais enfin, ma chère amie, dis-je, pourquoi diable avez-vous amené coucher ici? Cette question parut l'embarrasser beaucoup. Elle balbutia. Pourquoi? Pourquoi? Ben, je ne sais pas, moi. Pour rien. Une idée comme ça qui m'est venue. Non, vraiment, Christian, je vous assure, elle était devenue très rouge. Baissait le nez avec un petit sourire gêné au coin de la lèvre. Je la pressai. Oh, voilà qui n'est pas clair, voyons, Madeleine. Un peu de confiance, ma mignonne. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas me dire. Elle se tut. Je m'approchai d'elle. Si je vous aidais un peu. Fraternellement, sans un baiser, j'avais pris sa taille dans mon bras. Elle se dégagea doucement et répondit, eh bien, puisque vous voulez absolument le savoir, je vous ai amené ici parce que j'ai peur. Oh, je sais, c'est bête, c'est honteux. Mais enfin, c'est plus fort que moi. Je serais resté toute la nuit dans la rue plutôt que de coucher seul ici. Elle eût empoigné un seau d'eau et me lancé en pleine figure que ça m'eût fait exactement le même effet. Je restais tué. Ainsi, c'était à ce dénouement qu'aboutissaient toutes les belles illusions dont je me saoulais depuis un quart d'heure. Je m'étais pris pour un don Juan. J'étais une chandelle dans la nuit, un être banal quelconque, appelé pour respirer et vivre dans un logement déserté. Un rideau tiré devant le vide inquiétant d'une glace. Mon Dieu, le joli don Juan et la jolie bonne fortune. J'aurais donné 40 sous pour pouvoir me rire au nez, tellement je me trouvais sot. Et nier. Je ne bronchais pas pourtant. Je fis bonne contenance, ne voulant rien laisser paraître d'un désappointement qui m'eût rendu grotesque. Même je donnai le coup de main demandé pour l'extraction du matelas, et j'aidai Madeleine à construire mon lit, qu'elle borda, puis ouvrit elle-même avec des soins méticuleux de petite maman. Seulement, une fois seule et la lumière éteinte, ce fut comme un orage qui a longtemps traîné. Et se résout brusquement en trombe. Mon Dieu, est-il possible d'être bête comme ça? Quand je pense que j'ai un chez-moi, que dans ce chez-moi j'ai un lit, que dans ce lit j'ai une femme qui me plaît, qui me charme, qui me tente, et que je m'en viens coucher ici, tout seul, comme un eunuque et comme un bohème. Tout ça pour une petite farceuse qui ne pèse pas 2 onces de beurre et qui n'a pas, je le parierais, autant de sang seulement qu'une bouteille. Et ça, c'est malheureux de n'être cochon. Voilà pourtant à quel degré de stupidité on arrive. Brute, va, buse, crétin, tu es bien avancé maintenant. Eh bien, mon cher, c'est pain béni, et tu n'as que ce que tu mérites. Ça t'apprendra à faire le mufle et à jouer des tours de salaud à tes amis. Puis, des angoisses me prenaient. Voyons, est-ce que c'est bien vrai, cette peur-là? Est-ce que je n'ai pas affaire à une petite rouée vicieuse qui me donne la comédie, n'ayant pas osé se soutenir à la hauteur de sa première audace? On ne sait jamais avec les femmes. Et alors, je me l'imaginais couché, les yeux grands ouverts, guettant un craquement du parquet, une plainte de porte, et piétinant son bois de lit d'impatience. Je sentais ce désir contrarié s'aigrir de minute en minute, se tourner en rage d'abord, puis en mépris. Je voyais se former peu à peu au bord de ses lèvres dédaignées ce redoutable sourire dont les femmes ont le secret et qui viendrait m'accabler le lendemain de son ironie méprisante et de son insultante pitié. À la fin, je sautais du lit, fou et perdu. Dans l'excès de sa soi-disant poltronnerie, elle ne s'était point enfermée. Et sur l'entrebâillement de la porte, le rayon d'une veilleuse de nuit venait s'écraser en étoiles. Je m'approchai, soutenu au mur de la main, je jetai un coup d'œil dans la pièce. Madeleine, profondément endormie, tournait le dos. Entre le retroussis de sa nuque et l'échancrure en demi-lune de sa chemise, tout un grand morceau de chair blonde apparaissait, tandis que son bras nu, jeté en travers du lit, comme pour un enlacement imaginaire, se perdait confusément dans l'ombre bleuâtre de la ruelle. Avec d'infinies précautions, j'avais poussé puis écarté définitivement la porte et je demeurai sur le seuil sans un mouvement, me demandant: dort-elle? Dort-elle? Je tendais l'oreille, anxieux, croyant toujours qu'un éclat de rire allait s'échapper brusquement, à demi éteint dans l'oreiller. À un moment même, j'appelai d'une voix qui n'était qu'un souffle: Madeleine! Madeleine! Madeleine! Rien ne bougea. Le drap bordé qui la couvrait continua de se gonfler et de s'abaisser successivement avec la lente irrégularité d'une pendule. Je me dis: allons, elle dort! Elle dort véritablement. Je me retirai à reculons, en ramenant la porte sur moi, et je me recouchai, un peu calmé. Mais le lendemain, comme nous déjeunions dans un café du boulevard, Madeleine laissa échapper avec un drôle de petit rire deux ou trois phrases qui réveillèrent tous mes soupçons et achevèrent de me confirmer dans l'idée qu'elle se moquait de moi. De cet instant, ma résolution fut prise. Je résolus de tirer la chose au clair et d'en avoir le soir même le cœur net. La journée s'écoula sans incident notable. Nous allâmes passer la soirée au Châtelet, ensuite de quoi nous rentrâmes nous coucher, chacun comme la veille, d'un côté de la cloison. Je n'avais rien laissé percer de mon petit plan que j'avais ruminé tout le jour. Je commençai par faire le mort pour laisser à Madeleine le temps de s'endormir. Puis, comme la demie d'une heure sonnait, je sautai sur mes pieds, je pénétrai chez elle, je posai un genou sur son lit et je l'embrassai en pleine bouche. Elle jeta un cri et se dressa, effarée. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Je me mis à rire. Eh bien, mais c'est moi, parbleu. Est-ce que vous ne me reconnaissez pas? Elle me regardait de l'œil hagard des gens qui dorment debout. Elle dit enfin: ah oui, c'est vous. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Allons, dis-je, vous le savez bien. Voilà assez longtemps que cette plaisanterie dure. Je l'avais prise dans mes bras et je sentais à travers la chemisette la tiédeur de son petit corps. Brusquement, d'un coup de rein, elle fut hors du lit. Et je l'eus devant moi debout, au milieu de la chambre, ébouriffée, défigurée par l'indignation. Elle bégayait. Comment, un ami, un si bon ami? Oh, jamais je vous aurais cru capable d'une chose pareille. C'est abominable, c'est abominable. La façon dont ces mots furent dits coupa court à tout équivoque. Instantanément, j'y vis clair, et je compris quelle gaffe énorme j'avais commise. Mais je m'étais trop avancé pour qu'il fût temps encore de revenir sur mes pas. Il fallait que cette fille m'appartînt, coûte que coûte, sous peine pour moi d'être rivé à l'éternel ridicule, car l'homme qui s'est montré en chemise à une femme ne peut plus lui devenir qu'un maître ou un pantin. Je déclare qu'entre les deux rôles, je n'hésitais pas un instant. Je m'avançais sur Madeleine, les mains tendues. Une tape nerveuse et énergique m'abattit successivement la main droite, puis la main gauche. En même temps, elle avait fait un saut en arrière et remis entre nous une distance respectable. Nous nous regardâmes sans rien dire. Je compris que je me butais à une volonté implacable et je n'eus certainement pas insisté si la pensée du rôle idiot que je jouais ne m'eût rendu capable de toutes les infamies pour parvenir à en sortir. L'étonnante facilité avec laquelle un honnête homme devient une brute et un galant homme un goujat, quand sa vanité est en jeu, est quelque chose d'extraordinaire. Pourtant, avant que de rien brusquer et d'en venir à aucun extrême, je tâtais de la conciliation. Je suppliais « Écoutez, madame, je sais que ce que je fais est odieux et que ma conduite envers Lucien est la dernière des lâchetés, mais si j'agis comme je le fais, c'est que j'y suis poussé par une force irrésistible. C'est parce que, depuis des semaines et des mois, je vis dans l'adulation muette de cette extase qui est votre regard et de cette caresse qui est votre sourire, parce que toute ma vie se résume aujourd'hui dans le seul désir de vous avoir. Parce qu'enfin, en un mot, commençant, je vous adore. Je vous adore. Je vous adore. » Elle répondit, « Ça m'est égal. Je vous prie de rentrer dans votre chambre. » Je repris, « Eh bien non, je n'y rentrerai pas, car j'ai assez de l'épouvantable nuit que vous m'avez fait passer hier. Non, voyez-vous, Madeleine, j'ai pu garder pour moi, sans que vous en soupçonniez rien, le secret de ce qui, je vous le répète, résume aujourd'hui toute ma vie, toute mon âme et toute ma pensée, le profond et immense amour que j'ai pour vous. Mais je n'ai pas la force nécessaire pour sentir sans tentation votre lèvre à portée de la mienne. Je trouve que j'ai assez souffert, assez pleuré et assez combattu, et que je ne vous ai rien fait qui puisse vous donner le droit de me torturer plus longtemps. » « Oui ou non ? » répéta Madeleine. « Voulez-vous rentrer dans votre chambre ?» Son calme inflexible me démontait. D'autant que je me trouvais en présence d'une figure toute nouvelle pour moi. J'avais tout prévu, moins une chose, qui justement se présentait, la rencontre inopinée d'une femme là où je croyais n'avoir affaire qu'à une enfant. J'eus un instant d'hésitation, puis je hurlai un « Non !» stupide, auquel répondit avec une indifférence dédaigneuse « Eh bien, mon cher, votre aise, restez ici. » Et elle-même quitta la pièce. Elle me cédait son lit, à vide. Un éclair de folle rage me passa devant les yeux. « Ah, petite gueuse » criai-je, « je t'aurai tout de même !» Je m'étais élancé sur elle, elle vit le mouvement, et fila. Mais je m'attachai à ses talons. Tout mon désir avait fait place à un simple entêtement de sauvage qui ne veut pas en avoir le démenti. Ce fut une course désordonnée à travers l'appartement. Les portes battaient, des chaises bousculées s'écroulèrent. Madeleine continuait à fuir devant moi. Et dans la pénombre des pièces, je distinguais la tache blême de sa chemise, semblable à ces nuages légers qu'on voit flotter les nuits claires au-dessus des toits. Brusquement, tout s'éteignit. Je me trouvais plongé dans une obscurité de cave. En même temps que je recevais en pleine figure le coup de vent d'une porte lancée avec violence, je poussai. La porte résista. Je me dis, celle-là est raide. Je parie qu'elle m'a enfermé. Et je me livrai sur la porte à une seconde tentative qui demeura aussi vaine que la première. Je secouai le panneau de toutes mes forces. Je fis de l'épaule une pesée sur les ais en marque-boutant au mur d'en face. Rien n'y fit. J'étais prisonnier, pincé dans une souricière, mis au cachot comme un polisson turbulent dont le pion s'est débarrassé. Ah, pour drôle, elle était drôle. Seulement, au bout d'un instant, je sentis la tête me tourner et je me demandais, perdu. Ah, ça, qu'est-ce que je vais devenir ? Je promenais lentement mon regard autour de moi. Rien, rien du tout. Le noir opaque, massif, pesant, comme une masse de plomb. J'écoutais. Madeleine, à son tour, faisait la morte. C'était le silence vertigineux, l'ombre écrasante de la tombe. À la fin, pourtant, je m'habituais. La nuit plus claire de l'escalier m'arriva par les classes dépolies de l'entrée, sous la forme d'un grand carré vague et livide, papillotant devant mes yeux. Je compris que j'étais bloqué dans le vestibule. Si j'avais eu mes vêtements, j'eusse filé et je n'eusse jamais remis les pattes dans la maison, sauf à avoir un jour ou l'autre avec Dodierne une explication franche et nette. Malheureusement, depuis les bottes jusqu'au chapeau, tout était là, bien à l'abri, de l'autre côté de cette porte, inexorablement verrouillée. Je me dis, Je vais essayer de pourparler. Le vestibule donnait accès à gauche dans la salle à manger, à droite dans le salon où je couchais, et qui communiquait lui-même avec la chambre de Madeleine. Machinalement, j'en secouais la porte une fois encore, puis me baissant jusqu'au trou de la serrure, j'appelais « Madeleine ! Madeleine !» Pas de réponse. Je continuais. « Voyons, Madeleine, ce n'est pas sérieux, sapristi. Ouvrez-moi, je gèle. Pensez donc. » Rien encore. « Vous savez, Madeleine, c'est idiot ce que vous faites là. Vous ferez attraper du mal avec vos blagues. Nom d'un chien, ouvrez-moi, voyons. Ou alors faites-moi passer mon par-dessus. Ça devient ridicule à la fin. » Peine perdue. Je n'obtins ni mon par-dessus, ni le moindre signe d'existence. L'appartement eut une double sortie que j'eusse cru ma gamine enfuie. Les dents serrées, l'oreille collée à la serrure, d'où m'arrivait le tic-tac lointain d'un balancier battant la mesure dans le silence, je pensais, petite misérable, si je te tenais. Un moment, la tentation me vint de crever la porte à coups de pied, mais la pensée du scandale m'arrêta. J'ai pris un parti d'autant plus raisonnable que c'était le seul qui me restât à prendre. Celui de m'en aller, purement et simplement, réfugié dans la salle à manger. Et d'y attendre, enveloppé dans le tapis de la table, que Madeleine voulut bien enfin me rendre à la pudeur et à la liberté. Je passai ainsi toute la nuit, accroupi dans un angle de mur, tel que la sachette de Hugo, les reins brisés, pleurant de fatigue, claquant des dents sous mon tapis, dont l'épais tissu granuleux me dévorait, les jambes comme une bande de rats. D'heure en heure, le froid augmentait, les jointures mal closes et croisées me soufflaient au visage l'air glacial du dehors, me rendant restitution dont je me fusse admirablement passé, je vous prie de le croire, les belles nuits de salle de police d'autrefois. Enfin, vers 5 heures du matin, crevé, n'y pouvant plus tenir, je me relevais, déterminé à tout, hormis à supporter une minute de plus l'atroce supplice que j'endurais. J'ouvris le tiroir du buffet, je m'emparai d'un casse-noisette en fer, et à l'aide de ce levier improvisé, j'allais faire sauter la serrure de ma porte, quand, à ma grande surprise, elle s'ouvrit toute seule. Ma première idée, comme de juste, fut de sauter dans mes vêtements et de m'éclipser sans tambour ni trompette. Mais j'aperçus mon lit béant, et la tentation fut trop grande. 3 quarts d'heure de promenade dans la nuit et la gelée, après une séance pareille, ça me parut dur à avaler. Et je me fis cette réflexion que, Madeleine se levant généralement fort tard, je pouvais dormir de bonnes heures avant que de me mettre en route. Je me glissai donc dans les draps avec une inexprimable béatitude. 10 minutes après, je ronflais. Comme c'était facile à prévoir, je me réveillai à 11 heures. Madeleine devait habiller, aller et venir dans sa chambre en jetant de temps en temps un coup d'œil dans la mienne par l'entrebâillement de la porte. Quand elle me vit les yeux ouverts, elle entra, s'approcha de mon lit et me demanda avec intérêt comment j'avais passé la nuit. Le choix de l'expression n'était pas très heureux et j'y crus voir une intention de moquerie. Je répondis brutalement. « Allons, fichez-moi la paix, vous êtes assez moqué de moi comme ça. » Elle dit, « Oh, comme vous me parlez, je vais continuer. Vous êtes une grue, laissez-moi m'habiller et m'en aller, je vous prie. » Elle ne bougea pas, gardant sa contenance déconfite de petite fille surprise en faute et continuant de me regarder sans trouver une parole à dire. Elle m'agaçait et je lui criais, « Eh bien quoi, quand vous resterez là 1 heure à me regarder comme une oie, ça vous étonne peut-être qu'après une nuit semblable, je ne sois pas encore claqué ? Je comprends ça. » Ça me surprend encore bien davantage. Mais il n'y a pas de temps perdu, rassurez-vous. Elle murmura. Vous êtes fâché, n'est-ce pas? Comment donc, m'écriai-je. Fâché? Mais pas du tout. Au contraire, ma chère amie. Au contraire. Puis, avec un haussement d'épaule. Tenez, laissez-moi donc tranquille, voulez-vous, parce que, vraiment, c'est trop bête. Je me sentais envahi pour elle d'une haine basse et féroce. Et j'aurais éprouvé une joie infinie, moins peut-être, à taper dessus qu'à la couvrir froidement d'ignominie, d'outrages blessants, d'insultes bêtes qui l'eussent fait bondir et pleurer. J'avais été trop ridicule. J'éprouvais le besoin d'être odieux, comme si j'eusse dû rencontrer, dans les révoltes désespérées et impuissantes de cette plus faible, un baume calmant à appliquer sur la blessure saignante de mon amour-propre. Ah, si elle avait dit un mot, fait seulement l'ombre d'une allusion ou d'un reproche. Mais non, restait calme et douce, se justifiant avec une contrition naïve qui laissait ma rancune sans prise. Elle disait « Écoutez, je sais que j'ai eu tort, mais aussi j'ai perdu la tête. Je me sentais à un pas de vous, sous votre main presque. Et j'ai eu peur de malheur, ça se comprend. Ensuite, naturellement, j'étais désolé, mais je ne savais plus quoi faire. Je me disais, il est furieux. Si je lui ouvre et qu'il ne me laisse pas moi-même le temps de revenir m'enfermer, que se passera-t-il? Je vous entendais bien m'appeler, mais je n'osais faire un mouvement. Ce n'est qu'au bout d'une heure que je me suis décidé. Alors je me suis relevé, je suis venu sur la pointe du pied jusqu'à la porte, et j'ai mis au moins 5 minutes à faire 2 tours à la clé. Voyons, Christian, ne m'en veuillez plus, tout ça au fond, c'est des bêtises. Et puis je vais vous dire une chose, il ne faut pas être froissé. Si je n'ai pas voulu avec vous, ce n'est pas parce que c'était vous, plutôt qu'un autre. Certainement non. Au contraire, vous me plairiez plutôt. Je vous aime bien, même. Seulement voilà, je ne veux pas tromper Lucien, qui est très bon et très gentil pour moi, et qui ne m'a jamais rien fait pour que je puisse me conduire mal. Je vous jure que c'est pour cela, pas pour autre chose. De la femme d'hier, plus rien. Enfuie, dissoute, évaporée. La gamine était reparue, avec ses airs et ses candeurs d'enfant de 7 ans. Et je regardais, méfiant, cet étrange petit être dont la complexité me déroutait. Cette façon de prôter en jupe, insaisissable, changeant et rechangeant de peau, avec la spontanéité des transformations à vue. Du reste, loin de calmer mes nerfs, la tournure conciliante que prenait l'entretien redoublait ma mauvaise humeur. Je me complaisais peu à l'idée d'un replâtrage au bout duquel j'en restais pour mes frais, pour ma veste et pour ma nuit blanche. Non que je tinsse plus que cela à la femme. Je n'y pensais même plus, grand Dieu. Et ça m'était parti comme ça, m'était venu. Mais enfin, c'est vexant, quand on a 33 ans, de se faire berner et flanquer une leçon par une petite pensionnaire dont on serait presque le papa. Elle cependant insistait. « Voyons, Christian, laissons cela. Voulez-vous, dites, que nous n'en parlions plus. Il fait beau temps et pas trop froid. Vous vous lèveriez en 2 temps, nous irions déjeuner, par exemple à Versailles, et ce serait joliment plus drôle que de rester brouillé tout le temps pour une sottise. Que faire? Refuser la main qu'elle me tendait? M'obstiner dans une bouderie niaise et qui n'eût servi qu'à donner plus de relief à mon dépit? Je préférais en rester là et lui tendre le bout des doigts avec une mauvaise grâce hautaine et protectrice. Seulement, je me dis à moi-même, toi, ma fille, je te repincerai. » Toute la journée, elle fut charmante. Oh, mais charmante, absolument. Avec une grâce attentionnée d'écolière, qui veut faire oublier sa faute, et une certaine coquetterie, confiante et enjouée, que je lui voyais pour la première fois. On sentait que quelque chose s'était passé entre nous, un quelque chose dont nous affections de nous souvenir ni l'un ni l'autre, mais dont, par cela même, elle goûtait sourdement la piquante saveur de mystère. Et puis j'avais donné pâture à ce besoin de romanesque sans lequel nulle femme n'est née. Elle avait su son petit roman, dont elle s'était vue tirer à son honneur, et sans y laisser ses plumes. Et dans son parler, son sourire, la pression de son bras sur le mien, il y avait une secrète reconnaissance. Conformément à son désir, je l'avais conduite à Versailles, pilotée à travers le parc, puis par les salles vides du musée de peinture. 3 heures durant, je l'avais remorquée à mon flanc, d'une toile à une autre toile, éreintée, bâillant dans ma main, en proie à un énervement sans cesse croissant, et ne prenant même pas la peine de déguiser ma maussaderie. Et même un moment, elle me secoua le bras, avec une mucinerie impatiente. « Eh bien, vous en faites une figure. Soyez donc plus aimable que cela. » J'ébauchai un vague sourire et mâchonnai je ne sais quoi sur la migraine. La vérité, c'est que plus j'allais, plus ma triste équipée d'ennui me faisait poids sur l'estomac. Quelque effort que je fisse pour m'en débarrasser, toujours, éternellement, sans relâche, la même silhouette venait se replacer devant mes yeux. Une silhouette grotesque, monstrueuse, courant nu-pieds et en chemise, dans un désordre d'appartement bouleversé. Et cette silhouette, c'était la mienne. C'était moi, ce fantoche inepte, cette marionnette imbécile, finissant par aller échouer comme un paquet dans une encoignure de pièces, et grelotter de froid sous un tapis de table. Ah, le sale cauchemar, mon Dieu, l'obsession atroce et odieuse, et comment s'explique que l'homme qui en a toute une journée été hanté, poursuivi, torturé, en arrive à cette conclusion. Eh bien non, non, mille fois non, n'importe quoi, pourvu que ça cesse. Et dame, vous savez, on va loin avec le n'importe quoi. Pour mon compte, voici où ce raisonnement m'amena. De retour à Paris, et la soirée achevée, j'emmenai ma compagne au Lion d'Or, où nous nous attardâmes une heure durant, devant un petit souper froid, puis nous rentrâmes en nous promenant en clair de lune. Il pouvait être 2h30, comme Madeleine mettait le doigt sur le bouton de la sonnette. Alors, seulement, tranquillement, avec cette belle sérénité que donne le devoir accompli, et maintenant, lui dis-je, je vous souhaite le bonsoir. Elle tressauta. Comment un bonsoir? Vous me quittez? Je répondis incontestablement. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, voyons, fit-elle, ce n'est pas sérieux, je suppose. Tout ce qu'il y a de plus sérieux, dis-je, très nettement. Ma chère amie, écoutez-moi. Ainsi que je vous l'ai déjà dit, j'ai le malheur d'être amoureux de vous. Elle railla. Tiens, ça vous reprend? Ça ne me reprend pas, répondis-je, par cette excellente raison que ça ne m'a jamais quitté. Donc, je suis amoureux de vous. Ça vous laisse froid, je comprends ça. Mais vous admettrez, n'est-ce pas, que l'humaine force a ses limites. Or, si cela ne vous fait rien de me sentir près de vous, ça me fait beaucoup de vous sentir près de moi. Vous avez vu hier à quelle extrémité un honnête homme, poussé à bout, peut en venir. Vous avez bien voulu me pardonner, je vous en remercie de tout mon cœur, mais je n'éprouve aucune envie de recommencer cette petite fête. Ce qui arriverait inévitablement si je ne prenais la précaution de mettre à la moitié de Paris entre nous deux. Par conséquent, bonsoir, à demain et sans rancune. Je lui tendis la main, mais elle ne la prit pas. Elle demeura immobile, sans parler, regardant vaguement devant elle. Mais tout à coup, elle me fixa, et avec un sourire que je n'oublierai jamais. « Mon cher, dit-elle, vous savez, c'est rudement lâche ce que vous faites là. » J'eus un mouvement de surprise, bien joué. « Lâche? Comment cela ?» Elle continua, « Ne faites donc pas l'étonner, vous me croyez par trop enfant. Mais si vous étiez de bonne foi, est-ce que vous auriez attendu jusqu'à 2h du matin pour me tenir un pareil langage, après être resté tout le jour à ne rien dire ?» Ça tombe sous le sens, voyons. Je protestais. Pardon, j'affirme. N'affirmez rien, reprit-elle avec douceur. Si vous pensez que je ne lis pas dans votre jeu et que je ne vois pas les fils blancs dont vos malices sont cousus, vous vous trompez carrément. C'est comme cet amour spontané qui vous arrive comme un rhume de cerveau. Est-ce que de tout de bon, vous espérez que j'en croie seulement une syllabe? Non, voulez-vous que je vous dise, vous m'avez prise pour une autre, voilà tout. Et quand vous vous êtes rendu compte que vous mettiez le doigt dans l'œil, cela vous a vexé, parbleu. Oh, il est inutile de faire les grands bras. Je vous aurais conçu, créé et mis au monde que je ne vous connaîtrais pas mieux. Vous êtes orgueilleux comme un paon. Et alors, avec ce cynisme égoïste qui est le plus bel apanage de votre sexe, vous êtes tenu ce raisonnement. Au fait, je serais bien naïf de me gêner. J'ai affaire à une poltronne. Spéculons sur son côté faible en la mettant dans la dure nécessité, ou de coucher seul, ce dont je suis assez incapable, ou de coucher avec moi, ce qu'il fallait démontrer. Voyons, est-ce cela, oui ou non? Soyez franc une fois dans votre vie. Je répondis avec une dignité hautaine. Je crois être au-dessus de semblables soupçons, et je ne m'abaisserai certes pas jusqu'à prendre la peine de me justifier. Croyez ce qui vous plaira de croire. Et encore une fois, bonne nuit. Mais cette fois, ce fut elle qui me sauta sur la main et m'attirant vivement à elle. Christian, quoi, ma chère enfant, ce n'est pas possible que vous parliez sincèrement. Je vous répète, répondis-je, que rien au monde n'est plus sérieux. Mais ce serait une infamie. Quoi, de mettre à profit la confiance d'un ami pour lui voler sa maîtresse? Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est justement pourquoi je m'en vais. Alors, vous sentez du bois dont on fait les malhonnêtes gens? Pardon, vous vous méprenez. Il n'y a pas ici de malhonnête homme, mais simplement un monsieur auquel le veuvage est pénible et que vous condamnez depuis 3 jours à une abstinence qui lui pèse. Ce n'est pas plus grave que cela. Et en conclusion, fit-elle, il faut que j'en passe par votre bon plaisir. C'est votre dernier mot, n'est-ce pas? Je me tue. Elle dit, très bien. C'est abject, Mais je me résigne. Ça y était. Le sang me battit dans les tempes avec violence. Je me sentis changer de couleur. Je balbutiai. Que me voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire? Eh bien, c'est bien simple. Je vous cède. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je la regardai dans les yeux. J'avais tout fait. Elle l'avait compris. Pour la mener à cette solution. Et maintenant qu'elle y était venue, je me sentais envahi d'une vague méfiance. Je m'étais attendu à plus de tiraillements et de révoltes, à une réussite sinon moins éclatante, du moins plus marchandée. Et ce succès, sans coup férir, m'épouvantait. Je m'approchai, lui pris les poignets dans mes doigts et d'une voix sourde, assez d'équivoque, n'est-ce pas? J'entends coucher avec vous et près de vous. Vous entendez bien, près de vous. Jurez-moi qu'il en sera ainsi. Elle dit, « Mais oui, je vous le jure. Vous devenez bête, mon cher. Tenez, passez donc. » Il y eut dans la façon dont ces paroles furent dites une attention méprisante qui me fit plaisir. Je pensais, « Elle est furieuse, c'est bon signe. » J'obéis donc, et je montai devant elle, mais parfaitement décidé à ne pas la perdre de vue un seul instant. À cet effet, je commençai par prendre possession de la chambre, ma canne dans un coin, mon chapeau sur un meuble, en homme qui rentre chez soi, et prend ses quartiers pour la nuit. Puis je m'assis à demi sur le lit et je roulai une cigarette. Elle, cependant, tournait, virait, allait et venait d'une chaise à l'autre. Méthodiquement, doigt par doigt, elle avait enlevé ses gants, éperché ensuite son chapeau sur le globe de la pendule, tout cela sans prononcer un mot, avec une mauvaise volonté et une lenteur systématique. Dire que j'éprouvais pour elle l'ombre seulement d'une tentation, d'un désir, mon Dieu non, elle me dit, je me rends, prenez-moi. Que je lui eusse vraisemblablement serré la main et que je m'en fusse allé dormir dans le salon avec autant de calme et de sang-froid que si elle ne m'eût, elle n'eût pas été là. Mais je la sentais de mauvaise foi, déterminée à m'échapper quand même, et il n'en fallait pas davantage pour m'enferrer de plus en plus dans mon parti énergiquement pris de la mener à soumission. Car maintenant tout se résumait là, l'entêtement de l'une à se défendre, stimulant l'entêtement de l'autre à conquérir. À la fin, elle se laissa tomber dans un fauteuil, amena ses pieds sur son genou et commença de délacer une chaussure. Mais presque immédiatement, elle se redressa, et avec une impatience coléreuse. « Mais enfin, allez-vous-en donc, vous voyez bien que je vous me gênais. Passez 5 minutes au salon, je vous appellerai quand je serai prête. » Je dis, « Pour me remettre sous clé ?»« Non, merci, ça ne prend pas 2 fois, ces choses-là. À 7 heures, je suis ici, et je m'y trouve bien. » Alors elle leva les épaules, lentement, laborieusement, comme sous l'accablement d'un poids énorme, et elle murmura « Quelle plaie !» qui m'eût pleinement édifié sur la nature de ses sentiments, si j'eusse encore conservé quelque illusion à cet égard. Je ne bougeais pas. Elle reprit « Mais en vérité, c'est inouï. Mais qui est-ce qui vous a élevé? Mais de quelle femme jusqu'ici avez-vous donc été l'amant? Alors vous ne comprenez pas que vous m'empêchez de me coucher ?» Que j'ai besoin d'être seul un moment. Il faut donc tout vous dire, enfin. Une honte me prit. La pensée que je me conduisais comme un simple charretier en os me fit monter le rouge au visage. Je balbutiai. Pardon, c'est vrai, je vous demande pardon. Et je quittai précipitamment la chambre. Dans le salon, mon lit préparé du matin m'attendait. Je me jetai dessus, tel que, avec mes vêtements et mes bottes, et je m'accoudai dans l'oreiller. J'étais énervé, inquiet, mécontent de moi et de tout. Quelque effort que je pusse faire pour réagir et m'en faire accroire à moi-même, ma mauvaise action me tournait sur le cœur. Et le dégoût qu'elle m'inspirait ne trouvait pas une suffisante compensation dans la triste satisfaction qui puisait ma vanité. La vérité, c'est que j'eusse donné 10 ans de ma vie pour ne m'être pas fourvoyé dans cette galère, dans cette déplorable et malpropre aventure, d'où mon orgueil ne pouvait plus sortir, sauf quand le rachetant de mon honnêteté. Car l'homme est ainsi fait, pourtant, qu'il pardonnera à la femme de l'avoir trompée et trahie, mais pas de l'avoir brutalement désabusée en l'éclairant, une fois pour toutes, sur la grandeur de sa fatuité, l'étendue de sa maladresse et la niaiserie de sa présomption. Quelques minutes s'écoulèrent. Successivement, le bruit m'arriva. D'abord, des 2 petites bottines qui s'abattent près l'une de l'autre, sur le parquet. puis des jupes qui glissent et s'affaissent avec un froufrou de soie froissée. Un silence long et éloquent traduisit l'extirpation toujours délicate des bas. J'écoutais, anxieux, fiévreux, guettant l'instant de ma réplique. Enfin, des craquements de sommier m'avertirent que mon tour d'entrer en scène était venu. Je m'approchai, frappai discrètement à la porte, que j'avais ramenée à demi en me retirant, et je demandai « Puis-je entrer ?» Une voix répondit « Entrez, si vous voulez. » J'entrai, et tout d'abord je ne distinguais pas grand-chose dans le demi-jour de veilleuse où baignait doucement la chambre. Madeleine, perdue au fond du lit et le nez tourné à la ruelle, semblait endormie déjà. Silencieusement, d'un tour de main, je me débarrassai de mes vêtements et j'allais m'étendre près d'elle, ce qu'elle me laissa faire sans même tourner la tête, avec une soumission insensible et passive. Cependant, machinalement, cherchant le drap à ramener sur moi, je promenais sans le trouver, ma main le long du lit, en même temps mon œil s'accoutumant, Madeleine m'apparut tout à coup comme une masse empaquetée, comme une manière de poupard ficelée jusqu'au cou en ses langes. Je me penchai, et instantanément je compris. La petite drogue s'était enroulée dans son drap, telle qu'une momie l'est dans ses bandes, et de la main, à l'intérieur, le maintenait étroitement pressé contre son corps, aussi parfaitement défendu ainsi que si elle se fût engloutie dans un sac. Je poussai un éclat de rire exaspéré. « Eh alors non, j'aurais dû m'attendre à cela. » Elle dit « Vous attendre à quoi ?»« Je tiens le serment que j'ai fait de vous laisser coucher avec moi et près de moi. Couchez-vous. Qui vous en empêche ?» L'ingénuité admirable avec laquelle ces paroles furent prononcées acheva de me mettre hors de moi. Je hurlai. « Ah, petite misérable, j'aurais raison de votre entêtement !» Et je sautai dessus comme une brute. Mais tranquillement, sans s'émouvoir, elle fit bascule sur le côté et se laissa glisser dans la ruelle avec une souplesse de couleuvre. Moi, j'empoignai le bois du lit que j'attirai violemment, affolé, décidé à tout, fût-ce à la prendre sur le plancher, entre le flanc des matelas et la boiserie de la cloison. Le lit, énorme et pesant, résista. Madeleine, avec un sang-froid qui aiguillonnait ma fureur, dit simplement « Pourquoi faire vous obstiner? On ne prend pas une femme de force. » Et je vous répète que je ne tromperai pas Lucien. J'en étais pleinement convaincu, mais je ne m'en obstinais que davantage dans mon idée fixe imbécile. Moins découragé qu'enragé par l'échec d'une première manœuvre, je me bornais à déplacer le terrain de la lutte et, m'abattant au travers du sommier, je commençais de m'exténuer en effort pour saisir et ramener à moi cette masse inerte quasi morte sur laquelle, exténué, brisé, mes doigts glissaient sans trouver prise. Et je me rappelais à moi-même ce paysan mettant son stupide point d'honneur à déraciner de la main une pièce de ciliard plantée debout, à coups de marteau, entre deux pavés. Madeleine, muette, les dents serrées, me poursuivait de son regard fixe. Un moment vint où je dus m'arrêter pour souffler. Elle dit alors, « Ne vous donnez donc pas tant de peine, puisque je vous déclare que c'est du temps perdu. » « Et moi, répliquai-je, je vous déclare, vous ne sortirez de mes mains que morte ou conquise. » « En ce cas, dit-elle, assassinez-moi tout de suite, c'est plus simple. » « Vous l'avouerai-je ? Eh bien, la tentation m'en vint. »« Oui, parfaitement, c'est comme j'ai l'honneur de vous le dire. Tout insensé, tout invraisemblable que cela puisse vous paraître. Je vis rouge, rouge, entendez-vous ? Et pour la première fois de ma vie, je connus le vertige du meurtre. » Le désir fou, impérieux, irrésistible, de fermer, coûte que coûte, une bouche qui défie, d'éteindre la bravade horripilante d'un regard. Le regard dut-il y rester. Il me semblait que derrière moi, quelqu'un d'invisible me poussait le coude, me soufflait tout bas à l'oreille. « Hardi, vas-y, un bon mouvement. Tu te choqueras par la fenêtre ensuite. » Ma foi, je crus que ça y était, et puis c'eût été fait si vite. Juste le temps d'étendre le bras et de serrer un peu la main, je me souviens de cette minute comme de l'instant le plus épouvantable par lequel j'ai jamais passé. Mais brusquement, un éclair de raison se fit jour dans mon cerveau. Ce fut comme si le quelqu'un d'invisible me jetait sous les yeux un miroir, reflétant fidèlement l'ensemble de la scène. Moi, féroce, bestial, Monstrueux. Elle, toute blanche, la prunelle agrandie par l'angoisse. Et alors, je bondis sur mes pieds, je sautai dans mon pantalon, criant, et allez donc vous faire foutre au surplus. Qu'est-ce qui m'a flanqué une rose pareille? Est-ce que vous figurez que j'ai besoin de vous? Tout de suite, elle se sentit sauvée, et dégageant ses bras, elle se regrimpa sur son lit d'un effort. Elle est bien bonne, s'exclama-t-elle. Est-ce moi par hasard qui vous demande quelque chose? Mais le timbre seul de sa voix me donnait des convulsions. De nouveau, je me ruai sur elle. Je lui vociférai dans le nez. Nom de Dieu, voulez-vous vous taire? Hein? Dites, s'il vous plaît, voulez-vous? Elle comprit que les choses tournaient mal, et du coup, elle ne dit plus rien. Moi, j'achevais de me rhabiller, sombre, sans un mot, enfonçant mes chaussures à grands coups de talons, crevant mes coutures de gilet dans ma hâte de dehors. Tout à coup, Madeleine se dressa. Elle eut de la main un geste impérieux. « Taisez-vous !» Je m'arrêtai, un bras en l'air, à demi entré dans la manche de la redingote, et il y eut un instant de silence pendant lequel arriva jusqu'à nous, comme un lointain grignotement de souris, le bruit d'une clé fourgonnant dans la serrure. Nous nous regardâmes. Madeleine murmura. « Oh mon Dieu, c'est Lucien !»« Eh bien, m'écriai-je, tant mieux, je vais avoir affaire à un homme, il n'est que temps !» Et presque immédiatement, Dodiane parut. À ma vue, il s'arrêta net dans l'encadrement de la porte, ne songeant même pas à poser sa valise. Il fit, tiens, et jeta un coup d'œil vers le lit. Est-ce que Madeleine est malade? J'allais à lui. Écoutez-moi, je pourrais vous répondre oui, ce qui couperait court à toute discussion, mais j'ai besoin de placer mes nerfs, et c'est pourquoi j'aime mieux en finir une bonne fois et trancher carrément dans le vif. Vous placez trop légèrement vos amitiés, mon cher Dodierne. Si je puis me permettre de vous donner un conseil, c'est de me retirer immédiatement la vôtre. Je me suis conduit avec vous, comme tant de fois, je me suis conduit avec les autres, en goujat, en malhonnête homme et en mauvais camarade. Amenée ici par mademoiselle qui, comme une petite bête qu'elle est, a peur des plis de ses rideaux, du dessous de ses fauteuils et du revers de ses portes, j'ai tout fait pour l'amener à être ma maîtresse. Tout fait. Ce qui s'appelle tout fait, jusqu'à la menacer d'étrangler. Et elle se refusait à me céder. Ecce homo. Le procédé envers la femme vaut le procédé envers l'homme. Et le plus curieux de l'affaire, c'est qu'en effet, elle n'a pas cédé. Ça peut paraître extraordinaire, mais enfin, c'est comme je vous le dis. J'ignore si elle est sincèrement vertueuse, mais en tout cas, elle est bougrement entêtée. Ah, sacristi, la sale mule! Vous êtes libre sur ce point de me croire ou de ne pas me croire et de vous tenir pour cocu, si bon vous semble. Quant à moi, je vous ai dit le fait dans sa brutalité sincère. Et maintenant, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez me flanquer des calottes. Je vous donne ma parole d'honneur que je les garderai. Dodien semblait très gêné. Il eut un instant de silence, puis avec un demi-sourire. Oh, il ne s'agit pas de cela, fit-il en protestant de la main. Nous ne sommes ni vous ni moi d'un monde où les questions se tranchent à coups de poing. Laissons cela. Madeleine, d'abord, n'est jamais que ma maîtresse. Et au surplus, il y a eu dans tout ceci de sa faute autant que de la faute. Voyons, m'écriai-je, est-ce vrai? On ne ramène pas les gens couchés quand le diable y serait. Il faut ne pas avoir pour 2 liards de bon sens. C'est évident, fit Dodiane. Madeleine a eu un très grand tort. Elle eût dû me prévenir avant que je ne parte. J'aurais vu ce que j'avais à faire. J'approuvais, c'est incontestable. De ce trois fois, il répéta « Incontestable, incontestable !» Puis nous restâmes en face l'un de l'autre, nous regardant, ne trouvant plus rien à nous dire. La situation devenait embarrassante. Brusquement, je me décidai. Je demandai « Et vous avez fait un bon voyage ?»« Excellent, dit-il, je vous remercie. » Je lâchai un « Nous ne vous attendions pas si tôt, que je regrettais immédiatement. » Mais Dodiane parut ne pas s'apercevoir de la secrétité du mot. Il m'expliqua que son affaire avait été expédiée en 2 temps et 3 mouvements, ce dont je me montrai ravi. Ainsi, durant quelques minutes, comme si rien ne se fût passé, nous causâmes de nos petites affaires, du temps qu'il avait fait, de l'ennui des voyages, etc., etc. À la fin, la conversation languissant, je lui tendis la main, lui souhaitai le bonsoir, et il me rendit le bonsoir et me donna la main. « Eh bien, bonne nuit et merci !» Je répondis machinalement « Il n'y a pas de quoi !» et nous prîmes congé l'un de l'autre sur ce mot. Deux jours plus tard, je ne me risquai à donner un coup de pied jusque chez Dodierne. Je reçus de lui un accueil poli, sans empressement. Je dis que je le reçus de lui, car Madeleine s'abstint absolument de paraître, bien qu'elle fût à la maison, et que je l'entendisse fort bien aller et venir dans la pièce voisine. L'entrevue fut courte et gênée, et prit fin sur un vague « un de ces matins !»« un de ces matins !» qui ne m'illusionna en aucune façon. Inutile de vous dire, n'est-ce pas, que nos relations restèrent là, et que, depuis, nous n'entendîmes plus parler l'un de l'autre. J'ai seulement appris dernièrement qu'un camarade commun, lui ayant posé cette question, « Qu'est-ce que vous faites de l'Estonie ?» Dodierne lui avait répondu, « Ma foi, nous sommes un peu en froid. Il m'avait fait une visite, j'ai négligé de la lui rendre, et il s'en est formalisé. Je le crois un peu sceptique. » Enfin,